bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet, 4 sports de poids l'émission Code Jubi Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission reggae, où je vais vous présenter quelque chose d'assez spécial. Je vous explique. Il y a quelques temps, pendant les vacances, car lui j'étais en vacances, c'est pour ça que les émissions qui sont passées c'était une rediffusion. Et je m'en excuse, mais il fallait quand même que je prenne un peu de vacances, hein, qu'on soit bien d'accord. Bref, et du coup pendant les vacances, j'ai mixé. Et du coup en fait je voulais vous faire partager un mix qui n'est pas de moi, hein. Forcément, moi je suis pas du tout, enfin je suis dans le même milieu, je suis house, pareil, hein, voilà, je fais de la house, mais je mélange pas le reggae en fait avec la house. Mais en fait j'ai découvert un DJ fabuleux qui l'a fait, et en fait il a fait un set, ce qu'on nous on appelle un set, hein, donc c'est du coup un gros mix, hein, tout simplement, de reggae house. Et c'est une tuerie. Une tuerie. Du coup, les amis, pendant 30 minutes, je vais vous passer du coup son set de reggae house. Et vous allez voir, ça va être une dinguerie. Le dimanche soir, comme ça. Hop, ça met de la bonne musique. Du 120-125 BPM. Je peux vous dire que ça bouge. Hop, et après, on sera tellement fatigué que, vous inquiétez pas, ça sera pas compliqué de dormir. Hein, qu'on soit bien d'accord. Comme ça, demain lundi, 8h, on est en forme. Ah, on est en forme. Alors, on sera au taquet, les amis. Du coup, mes Rasta, je vais vous passer son set. Voilà, d'une demi-heure, hein, on respecte quand même le rythme de l'émission, une demi-heure d'émission, voilà, du set de ce grand DJ, et j'espère que vous allez kiffer tout simplement, j'espère que vous allez kiffer, mais moi je pense que vous allez kiffer, ah y a pas de doute, y a pas de doute, vous allez voir c'est une tuerie, allez c'est parti les amis. Thank you. Rasta, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce soir, c'est Deep House Reggae sur Fadjet dans l'émission Call to Be Love. Et oui, c'est le set de KRC, ce grand DJ, oui, que certains connaissent et que certains non. Et oui, ce soir, Deep House Reggae pour 30 minutes, pendant 30 minutes les Rasta. Et bonne fin de soirée les amis. Scissors!

party all night. Say you wanna party, let's party all right. I party all day, party all night. Say you wanna party, let's party all right. I shining, keep on grinding. What you see ain't all of me. Though I keep them hoes, don't love them hoes. The code in which I roll, it's so simple what I need. You know I keep my fam and I can't forget that tree. Na na na na na na, I can't forget that tree. Na na na na na na, I can't forget that tree. Na na na na na na, I can't forget that tree. Yeah. Na na na na na na. Most days I'm faded, feeling next rated. Steady wantin' freaky hoes and I wanna lay it. Holding the fam down and my close homie. The people who were there when some sucker left me lonely. Phony, when you see a nigga don't approach me. Made it to the top, baby, that's on me. Catch you trying to claim that they made me. However you feel, another bill for gazing. I keep it 100, never frontin', no need be. I'm in another zone, no place you could see. My nigga, Cuneo, two winners that don't know. Local, how a nigga life from Posto. The ones fans love, it was always approachable. Eh bien voilà ma rasta, c'était une soirée deep house reggae. J'espère que ça vous aura plu. C'était le DJ KRC, donc KRC, pour le prononcer à la française. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était original, plutôt. Mais voilà, c'était plutôt pas mal. Un peu, montrer d'autres façons d'écouter du reggae. Et sur ce, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Une bonne semaine à tout le monde. Et on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet, tout simplement. Allez, bonne soirée à tous, mes Rasta. Na na na na na.